Divers pays ont rapporté du 11 au 14 courant les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. L'agence de presse Chine Nouvelle et le réseau Planète de Chine, le journal indien Hindustan Times, les agences de presse Gyodo et Zizi, le journal Nihon Keizai Shimbun et la radio NHK du Japon, la télévision Zinus de l'Inde, les pages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-sunnisme-kim-jong-ilisme et du Comité national d'études des Edutse du Congo démocratique ont fait part de son inspection du concours de descente en parachute des troupes d'opération spéciale de l'armée populaire de Corée et de frappe de cible 2017. Le journal laotien Vientiane Times, la revue d'Internet Nepal Today, le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des inspections et le homepage d'Internet de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée ont informé de sa visite à la champignonnière de Pyongyang. Le journal népalais Arfan, les pages d'Internet de l'Association des journalistes népalais pour l'étude des Edutse et de la politique de Sengun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont reproduit la nouvelle de son inspection du concours des tankistes de l'armée populaire de Corée 2017. Ils ont présenté à ces occasions-là les photos du dirigeant suprême Kim Jong-un.